Je crois que le dialogue est possible avec l'Afrique du Sud. Si nous le situons dans une perspective de paix et dans la neutralité politique, chaque responsable africain se doit de se dépasser, de se surpasser même, pour parvenir à la compréhension entre tous les habitants de notre continent. Nous sommes tous solidaires du destin de l'Afrique, puisque les Blancs d'Afrique du Sud, Africains au même titre que nous, ont un rôle et de premier plan à jouer dans le devenir de notre continent, dans la paix et l'harmonie. Ils doivent comprendre, ils doivent admettre la nécessité de dépasser la question de l'apartheid en éliminant le seul motif de désunion entre eux et leurs frères noirs d'Afrique. Analyse fort différente, celle du chef adjoint de la mission de l'African National Congress à Alger, Tammy Sindelo.